Vous écoutez Futur Simple sur les ondes CKRL au 89.1. Et pour ce dernier, ce deuxième segment d'émission, nous recevons Dominique Boudreau, le coordonnateur scientifique au Centre de démonstration en sciences physiques, qui est situé au Cégep Garneau. Bonjour Dominique. Bonjour Valérie. Alors Dominique, lors de ton dernier passage à Futur Simple, tu nous avais raconté la découverte des phénomènes électriques. Exact. Depuis les Grecs jusqu'à la découverte de l'électromagnétisme, ce qui a permis l'électrification de notre société. Mmh. Et tu étais passé assez vite sur deux personnages, ouais. Luigi Galvani et Alessandro Volta. Or, ces deux personnages, d'abord, ont laissé quand même leur nom dans le vocabulaire courant, parce qu'on parle de galvanomètre. Exact. On parle de volt, de voltmètre. Donc, c'est des personnages importants. Donc, et puis aussi, il y a eu une histoire, parce que bon, ils ne s'entendaient pas vraiment sur la nature de l'électricité. Exact. C'est ça que tu vas nous raconter aujourd'hui. C'est ça. C'est une des controverses assez bien connues en histoire des sciences, qui opposait donc deux personnages. Ça a été cristallisé un peu dans deux personnages. Mais évidemment, c'est jamais aussi simple que ça. En fait, on pourrait parler du débat entre l'électricité animale et l'électricité métallique. Mais donc, revenons rapidement sur le contexte de l'époque. Donc, à l'époque, comme je l'avais mentionné un peu, l'électricité, c'est un sujet très en vogue. Mais la seule manière de produire vraiment de l'électricité, c'est d'avoir des machines électrostatique, à frottement, un peu comme quand nous on se frotte puis sur le tapis de ça, puis on prend des étincelles. Donc il y avait des machines qui produisaient des étincelles. Donc la production d'électricité était très transitoire, c'est bien passé dans une étincelle très rapidement. Ah ouais. Donc il n'y avait pas de courant comme aujourd'hui continu qui peut faire fonctionner des appareils. Ouais. Donc ça c'est une première chose. Il y a des bouteilles de lead et il y a des appareils électrostatiques qu'on appelle qui produisent ces étincelles. On n'avait pas non plus à l'époque d'appareils de mesure qui nous permettait de mesurer une quantité pour un courant donné. Les seuls appareils qu'on avait, en fait, c'est notre corps qui nous permettait de dire « Ah, ben ça fait mal ou ça fait plus mal. » Donc, c'est une espèce de mesure, mais pas quantitative. Maintenant, quand on faisait des décharges sur les gens, dans les démonstrations et tout ça, il y avait des contractions, parce qu'il y avait des mouvements. Donc, le fluide électrique, comme on l'appelait à l'époque, semblait impliqué dans le mouvement. Puis à l'époque, ça faisait déjà 150 ans qu'on parlait que le mouvement, les muscles, on connaissait pas trop l'action, comment les muscles étaient activés, mais depuis Descartes et les mécanistes, on pensait que le fluide nerveux qui se construisait dans le cerveau, qui était produit par le cerveau, descendait le long des nerfs qu'on pensait creux, puis allait activer les muscles. C'était quand même une belle intuition quand même pour l'époque déjà. Tout à fait. Et en fait, à ce moment-là, donc, on se pose la question de savoir est-ce que fluide électrique, fluide nerveux, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'ils y interagissent? Comment ça fonctionne tout ça? Et donc, on se pose les questions. Mais évidemment, ça ouvre toutes sortes de questions que le fluide électrique puisse agir au niveau des muscles. Et donc, pour mettre en évidence tout ce qui se passe de ce côté-là, les gens font des tests sur les animaux, mais aussi sur les humains, évidemment, comme je l'ai mentionné dans ma dernière chronique. Et donc, on trouve que la grenouille est un des animaux qui répond très bien à l'électricité, en fait, qui répond plus que les autres. Donc, la grenouille devient l'instrument de mesure par excellence. Et comment on fait ça? En fait, ça on le ferait plus aujourd'hui. D'ailleurs, il y a des lois maintenant qui interdisent ça, mais on prenait juste les pattes arrière de la grenouille, on gardait la moelle épinière, puis les nerfs qui sortaient, et donc on pouvait stimuler à ce moment-là, envoyer une étincelle sur les nerfs ou sur un conducteur qu'on mettait en contact avec les nerfs, puis les pattes bougeaient. Ah. Donc ça, c'est une expérience classique que Galvani a fait, justement. Et donc, parlons-en de Luigi Galvani. Alors, dans les deux cas, nos protagonistes sont italiens, ont vécu à peu près dans la deuxième moitié des années 1700, donc 1750 à 1800. Ça se passe à ce moment-là. Donc, en 1781, Luigi Galvani fait une observation étonnante, justement, en étudiant les grenouilles. Quand il touche le nerf de la grenouille avec son scalpel, puis que son assistant est en train de faire des expériences avec sa machine électrostatique plus loin, puis qu'il y a une décharge électrique, les pattes de la grenouille fonctionnent. Ah. Comme si l'électricité ou le fluide électrique, à ce moment-là, ça passait, ça se déplaçait comme ça, dans l'air. La grenouille. Il y avait un effet à distance. Ouais. Et donc, ça, c'était assez mystérieux. Et donc, évidemment, on veut savoir ce qui se passe. Et à l'époque, ces machines électrostatiques, rappelez-vous de Benjamin Franklin, on les a associées, les étincelles que produisent ces machines, c'est un peu la même chose que la foudre. Ouais. On appelle la foudre ou l'électricité dehors, l'électricité atmosphérique, alors que celle qu'on produit en laboratoire, c'est l'électricité artificielle. Donc, Galvani se dit, crème, faut que j'aille essayer ça dehors pour voir si la foudre fait aussi bouger les pattes de ma grenouille. Donc, il sort sur sa terrasse, son balcon, il met son setup, tout ça, il met ses pattes de grenouille. Et il se rend compte qu'il se passe la même chose. Quand il y a un temps orageux, il y a des éclairs qui tombent. S'il met un conducteur en contact avec les nerfs, quand l'éclair tombe, les pattes bougent. Donc, c'était assez intéressant. Mais il a aussi remarqué que ça bougeait par temps, par beau temps. Ah. Et ça, c'était un peu plus embêtant. Ouais, il devait avoir du mal à l'expliquer. Là. Voilà. Ouais. Et ça arrivait beaucoup moins souvent. Donc, il a fallu qu'il attende longtemps avant de démystifier un peu ça. Mais à un moment donné, pris un peu d'impatience, il jette un peu ses choses sur la table qui était en métal, et la grenouille, la préparation de grenouille était attachée avec un crochet en cuivre. En fait, au contact du fer ou de la table en fer, c'est deux métaux différents, donc le cuivre et le fer, en se contactant, les pattes se sont mises à bouger. Ah. Là, au début, il s'est dit peut-être que c'est de l'électricité atmosphérique, des variations, même s'il fait beau, tout ça. Fait qu'il dit, je vais aller chez nous en dedans, dans mon laboratoire, puis on va refaire des tests. Donc là, il n'y a pas d'histoire d'électricité artificielle, il n'y a pas de machine électrique, il n'y a pas de foudre, il n'y a rien, il est dans son laboratoire. Il met deux métaux différents en contact, et en contact avec le nerf, puis un bout de patte, et les pattes bougent. Donc là, il vient de découvrir quelque chose d'assez étonnant. Il n'y a plus de génération d'électricité comme on la connaît, mais il y a quand même un effet, une action qui est pareille que l'électricité lorsqu'on fait agir les machines électriques. Et donc, c'est à ce moment-là que Galvani postule l'existence d'une électricité animale qui est propre ou intrinsèque aux animaux. C'est l'animal qui génère l'électricité. Exact. Et donc, après plusieurs expériences comme ça, évidemment, ça soulève beaucoup de questions, ce genre de truc-là, mais cette idée de l'électricité animale, on va l'explorer de différentes manières. Et c'est Volta, en fait, on est 10 ans plus tard. Mm-hmm. Donc, Galvani va faire des expériences en 81, va commencer à faire des expériences. 10 ans plus tard, il postule l'existence de l'électricité animale. Et Volta, c'est là qu'il découvre un peu les travaux de Galvani. Donc, Volta, qui est toujours italien, lui aussi, qui s'intéresse, qui est beaucoup plus physicien. Alors, Galvani est plutôt de l'ordre des médecins, anatomistes et tout ça. Volta, plutôt physicien, croit d'emblée en l'existence de l'électricité animale, entre autres parce qu'on connaît les poissons électriques à l'époque. Il s'intéresse donc vivement aux travaux de Galvani quand ils sont publiés en 1791, puis il reproduit les expériences de Galvani en 1792. Évidemment, après un doute normal, Volta est complètement emballé par les expériences sur l'électricité animale de Galvani, mais rapidement, il fait ses propres expérimentations, puis en prenant différents animaux, différents types de préparations, tout ça, il doute vraiment de l'origine animale de l'effet électrique en question. Il met plutôt l'accent, un peu comme Galvani l'avait montré, que ce sont deux métaux différents en contact qui génèrent, en fait, le mouvement des pattes de grenouille. Et donc, les métaux, qu'on disait juste conducteurs à l'époque, sont plus passifs, ils deviennent les moteurs de l'électricité. Ouais. Et donc, ils s'éloignent de l'électricité animale pour dire, ben non, il y a plutôt l'électricité métallique. Il va faire aussi, Volta, c'était commun à l'époque, de l'auto-expérimentation. Puis ça, on l'a peut-être déjà tout fait. En fait, il va prendre deux métaux différents. Ah, il met sur la langue. Qu'il va mettre, exactement, à deux points différents sur la langue, puis il va toucher les deux métaux. Donc, ça fait une petite sensation un peu spéciale. Peut-être ceux qui ont des plombages en plomb, vous avez peut-être déjà mangé un petit bout d'aluminium, tout ça, ça fait un peu une sensation bizarre. Donc, c'est le genre de choses qu'on faisait à l'époque, mais à ce moment-là, pour faire de la mesure d'électricité. Il se rend compte que ça donne un goût aussi, un certain goût, ce qui est normal parce que l'électricité à ce moment-là active les nerfs de la langue et non plus les muscles des pattes, dans le cas des grenouilles. Et donc, ça le conforte dans l'idée qu'il y a une électricité qui est métallique et qui active les nerfs et non les muscles. C'était un débat qu'il y avait à l'époque. Il fait même des expériences sur ses yeux puis il voit des sensations lumineuses. Il n'a pas peur quand même. Non, effectivement, reproduisez pas ça à la maison, c'est pas le genre d'expérience conseillée. Mais donc, il peut catégoriser la force des différents métaux qu'il met en contact de cette façon-là, en faisant de l'auto-expérimentation. Puis là, pendant 10 ans, il y a un débat fascinant entre les galvanistes, ceux qui croient à l'électricité animale, et les voltaïstes, qui croient plutôt à l'électricité métallique. Par plein d'expériences plus folles et plus, en fait, très rigoureuses, chacun de leurs bords, en fait, c'est difficile à départir, jusqu'à ce que Volta, en fait, fasse une expérience qui est un peu définitive, en s'inspirant des organes de la torpille ou de l'anguille électrique, qui voit comme des colonnes empilées de plein de petites structures. En voyant ça, il dit « Ah, mais tiens, on va mettre les deux métaux ensemble, puis on va les empiler. » Il va faire une pile. Voilà, il va faire une pile, exact. Un empilement, donc, de ces couples de métaux. Donc, en alternant chacune. En alternant. Et ce qui est important, évidemment, dans la torpille, dans les poissons, il y a du liquide physiologique. Ouais. Entre chaque couple, il va mettre un petit carton imbibé d'eau salée. Donc, il laisse passer l'électricité. Et donc, en faisant ça, plus il met de couples métalliques, plus il est capable de générer de l'électricité plus forte. Il la détecte comment, l'électricité? Parce que là, c'est plus la patte de grenouille qui bouge. Non, donc il a pu le faire sur sa langue directement. Ah, ouais. Donc, ça, c'est une chose. Mais il a aussi inventé des appareils qu'on appelle des électroscopes. Mm-hmm. Donc, il pouvait, à ce moment-là, mesurer un peu. Ou sinon, on pouvait, à partir de la pile, l'invention de la pile, on pouvait faire passer ce courant-là dans un petit fil très petit en métal. Puis, il devenait incandescent, un peu comme les ampoules incandescentes qu'on a aujourd'hui. Mm-hmm. C'est un peu l'ancêtre, si on veut. Donc, D'ailleurs, à l'époque, c'est un peu la façon qu'on mesurait. C'est les premières tentatives de mesure quantitative. Donc, plus la température d'un fil est élevée, plus il y a de courant qui passe dedans. Ouais. Donc, ça, c'est le genre de choses qu'on faisait à l'époque. Et donc, il invente la pile, mais ce qui est crucial, c'est qu'il invente aussi une façon de générer l'électricité de façon continue, et non plus transitoire comme on avait à l'époque. Oui, parce que là, on va pouvoir l'utiliser. Exact. Ouais. Et donc, ben là, on connaît un peu la suite. En fait, c'est avec la pile que Oersted va montrer le lien entre l'électricité et le magnétisme et tout ça. Mm-hmm. Et donc, c'est pas une théorie qui va mettre fin au débat, c'est bien un instrument, dans ce cas-ci, la pile de Volta. Ouais. Et c'est intéressant de constater que ce débat, en fait, même si il semble avoir été gagné par Volta, qui a donné son nom à l'unité de la tension, la différence de potentiel, de la tension électrique, en fait, aujourd'hui, ça a donné deux domaines bien distincts qui sont hautement importants. L'électrophysiologie, dans le cas du galvanisme, donc tout ce qui est électrocardiogramme, électroencéphalogramme, électrorétinogramme, tout ce qui est l'électricité du corps, qui est tout à fait avéré maintenant. C'est ça, exactement. Ouais. Exact. Et tout ce qui est électrochimie, donc tout ce qui est pile, en fait, c'est un large domaine, l'électrochimie, mais on pourrait difficilement s'en passer encore aujourd'hui. Donc, ce débat entre deux protagonistes, ou disons deux idées, ont donné lieu au final à deux disciplines différentes, très bien développées, qui sont difficiles de passer à côté aujourd'hui. Ouais. Et donc, la morale de tout ça, c'est important d'échanger nos idées, puis de d'avoir de plus en plus d'expérience pour que ensemble, collectivement, on arrive toujours plus loin, exactement, au final. Ouais. C'est intéressant aussi ce rappel de l'origine de la pile, où finalement, Volta a empilé les disques de métal superposés là, pour finalement donner notre pile d'aujourd'hui. Et donc, tout le monde se rappelle d'avoir déjà fait l'expérience avec une batterie carrée de mettre sur notre langue. Hein. Donc, on a un peu tout fait comme Volta. Peut-être pas avec la même intelligence, par contre. Ah ben... Ben, merci beaucoup, Dominique. Ça me fait plaisir. Alors, Valérie. Dominique, on va te souhaiter de belles fêtes de fin d'année. Merci beaucoup. Et puis, on va te revoir l'année prochaine pour de nouvelles aventures des scientifiques des temps passés. Certainement. Merci beaucoup, Dominique. Au revoir. Et on va faire maintenant une pause musicale sur CKRL au 89.1. Et au retour, on vous revient avec une autre scientifique méconnue, celle-là, par contre, Rosaline Franklin.